Chapitre 7e. Vers 11 heures, la voiture qui amenait les deux amis roula sous la voûte de l'hôtel Passemart. Mademoiselle demandait il y a un instant si monsieur n'était pas encore arrivé, dit Baptiste, en prenant le par-dessus et la canne de Jacques. Dit Henri à voix basse. Il paraît qu'on a hâte de te voir. Sache te faire attendre, mon bon, c'est une grande force. En amour, quand l'homme n'arrive pas, c'est la femme qui vient. Près de la porte du grand salon, M. Passemart recevait ses invités tout en causant avec M. de Garamante et quelques personnes appartenant au monde de la finance et de la politique. Le comte, apercevant Jacques, fit vivement quelques pas en avant, lui tendit la main avec la plus franche cordialité et de sa voix mâle qui donnait à ses paroles on ne sait quel charme de loyauté. « Monsieur, dit-il, j'ai appris par les journaux il y a 2 jours le succès que vous venez de remporter. » Et se met une joie très vive de vous en faire mes plus sincères compliments. Je suis heureux que vos pères, en vous accordant cette haute distinction, aient confirmé le verdict que j'avais pour mon compte déjà prononcé. Eh bien, te voilà donc, grand vainqueur, interrompit Passemart. Alors c'est bien toi qui as le prix du salon avec bourse de voyage? Mais oui, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Permettez-moi de vous présenter mon intime ami, Henri Mareuil. Ah, très bien. Messieurs, je vous quitte pour un instant. Voulez-vous prendre la peine de me suivre, monsieur? J'ai quelques mots à vous dire dans mon cabinet. Jacques, tu nous accompagnes. Je compte, après notre petit entretien, te confier M. Mareuil pour que tu le pilotes dans le bal et le présentes à Mme Passemart et à sa fille. Ils entrèrent dans le cabinet de travail. Asseyez-vous, messieurs, dit Passemart. Je reste debout car la position assise est funeste aux hommes qui, tout le jour, il passa la main sur son front et soupira, sont astreints au travail de la pensée. Où en étions-nous? Ah, votre ami Jacques a dû vous faire connaître, monsieur, mes intentions, et d'autre part, il m'a donné sur vous tous les renseignements que je pouvais souhaiter. Parfaitement, monsieur. Voilà qui est fort bien. Je n'ai donc qu'un mot à vous dire, monsieur mon secrétaire. Et il le mit au courant de ses projets. Il songeait à se présenter aux prochaines élections. Sa situation industrielle était magnifique, mais sa situation politique était encore à faire. Il n'était pas même conseiller général de son département. Il avait résolu de faire pénétrer ses idées dans les masses profondes du suffrage universel sous la forme d'articles de journaux, d'opuscules et de petites brochures qu'on répandrait à profusion dans la circonscription. Le temps lui manquant, il avait besoin d'un collaborateur et se félicitait d'en avoir trouvé un tel que M. Mareuil. « Et maintenant, jeunes gens, allez vous rafraîchir au buffet. Dansez, amusez-vous. Toi, Jacques, je te charge de M. Mareuil. Présente-le à ces dames. Fais-lui faire connaissance avec Maxime et ses amis. Moi, je retourne à mon poste de maître de maison. Je vais reprendre avec quelques personnages politiques que j'ai là un intéressant échange de vues, que nous avions commencé tout à l'heure sur la réforme de la Constitution dans un sens plus démocratique. Retenez bien ceci, M. Mareuil. Le cléricalisme et la magistrature, voilà les deux ennemis. » Et il sortit, portant la tête avec plus de fierté que Mirabeau, après qu'il eut rudoyé M. de Rebrézé. Henri tendit les deux mains à Jacques et dit en riant « Comme il faut que je t'aime !» Quand ils entrèrent dans le grand salon, les danses avaient commencé. Les couples enlacés tournoyaient dans l'espace étroit, sous l'œil des mamans. Les braves et dignes femmes, qu'elles sont majestueuses à leurs bancs de car. La vieille garde n'était pas plus solide au feu qu'elles ne sont résistantes à la fatigue. Elles s'ennuient, oh oui, elles ont chaud, elles ont sommeil. Mais chacune a pour le moins une fille à marier, et l'on sait que la valse fait bien des mariages. Elles resteront donc toutes jusqu'à la fin, stoïques. Elles entendront pour la 100e fois, en dodelinant la tête, la même polka insipide. Pour la 100e fois, elles subiront le supplice de l'odieux cotillon. Pas une ne désertera. Leur récompense est là, en bas, dans la voiture. Eh bien, ma fille, y a-t-il du nouveau? Le petit baron m'a demandé 2 valses et 1 quadrille. Il t'aime, ma fille. Quel bonheur. Un si charmant garçon. Riche, des espérances, et si rangé. Or, tandis que le coupé du petit baron dépose son maître, avenue de Villiers, à la porte de Mademoiselle Nana, la mère et la fille, serrées l'une contre l'autre, ne se disent plus rien. Parce qu'elles font toutes les deux un beau rêve. L'une se voit en longue robe blanche, perdue dans un nuage de mousseline, et descendant, les yeux baissés, l'escalier de la Madeleine, tandis que du fond de l'église, dont l'obscurité est mouchetée de points d'or, l'orgue jette ses grandes ondes vibrantes. L'autre croit bercer sur ses genoux un petit être frais et rose qui regarde on ne sait où, et tend ses mains mignonnes pour prendre on ne sait quoi. Ah, les braves femmes! Par l'embrasure d'une porte encombrée d'habits noirs, les deux amis regardaient les danseurs, lorsqu'un petit mouvement nerveux de Jacques apprit à André qu'André était là. Elle passa, en effet, devant eux, emportée par le tourbillon de la valse, pâle, les yeux mi-clos, les lèvres un peu serrées, la tête légèrement inclinée en arrière. Sa taille flexible ployée sous le bras du grand homme brun qui l'entraînait. Elle ne paraissait ni voir ni entendre, tant elle était ravie, en extase, par l'ivresse du rapide tournoiement. « C'est elle, n'est-ce pas ? » dit Henri à l'oreille de son ami. « Oui, » répondit Jacques d'une voix brève, « bien que je te présente à sa mère. » Les dernières mesures de la valse venaient en effet de résonner. Les deux amis se frayèrent un passage jusqu'à Madame Passemart. Elle trônait au milieu de plusieurs matrones, qui promenaient sur les hommes le regard inquisiteur des mères de famille en quête d'un gendre, ce regard prompt à découvrir les indices de calvitie et les symptômes d'abdomen, ce regard où il y a de la supplication, mais aussi de la menace, et qui signifie « Ah, si l'on pouvait donc marier sa fille sans avoir un gendre !»« Henri Mareuil, madame, dit Jacques, l'ami dont je vous ai parlé ces jours derniers. Monsieur, je suis heureuse de voir chez moi un jeune homme dans la distinction. Vous venez de Rouen, je crois. Y aura-t-il beaucoup de pommes en Normandie cette année ?» Madame Passemart avait appris que le dernier mot de l'amabilité est de mettre les gens à leur aise en les plaçant sur leur terrain. « Et dame, quand on vient de Rouen ?» Henri, un peu étonné de cette sollicitude pour le cidre, cherchait une réponse quand l'excellente femme reprit « Ah, j'aperçois Monsieur de Garamante, que je vous présente bien vite à lui. » Les violons grincèrent un instant après. Henri se retourna pour chercher Jacques et ne le vit plus. Comme les danseurs faisaient de nouveau irruption dans le grand salon, il battit en retraite vers l'antichambre, se trouva à côté de Monsieur de Garamante et profita de sa récente présentation pour engager la conversation avec lui. Il y a une sorte de franc-maçonnerie intellectuelle qui permet à deux hommes, étrangers l'un à l'autre, de se reconnaître pour gens d'esprit après qu'ils ont échangé 10 mots. Le comte, charmé de trouver dans Henri Mareuil un fort agréable partenaire, se mit à causer avec lui sur un ton aimable et enjoué. Ainsi, monsieur Mareuil, votre ami monsieur Henriot ne prend pas même le temps de jouir de son beau succès et part dans quelques jours pour l'Italie. Mon Dieu, oui, monsieur. Il a grande hâte d'étudier les maîtres chez eux. Il me disait hier soir encore que l'œuvre d'art a besoin d'être vue dans le milieu où elle a été composée, qu'un Raphaël perd quelque chose à sortir du Vatican ou des offices, un Véronèse à être exilé loin de Saint-Marc, qu'enfin un Rubens ne se doit pas goûter aussi bien à Madrid qu'à Anvers ou à Gand. Oui, c'est là une opinion ingénieuse. Ainsi, pour votre ami, les œuvres des grands peintres n'auraient pas pour cadre seulement un morceau de bois doré, mais, si je puis dire, le pays même où elles ont été conçues. Soit. Mais n'a-t-il pas le cœur un peu gros de quitter ainsi, pour plusieurs mois, sans avoir jamais voyagé auparavant, que je sache, Paris, ses amis, et cette excellente famille Passemart, où tout le monde le traite comme l'enfant de la maison? Sans doute. Néanmoins, l'intérêt de son avenir doit passer avant toute considération d'amitié, et d'ailleurs, rien ne le retient ici. Tant mieux, monsieur, dit le comte avec une nuance de gravité qui fut remarquée de Henri. Leurs yeux se rencontrèrent. Mareuil lut dans ce regard si limpide que le vieux gentilhomme connaissait le secret de Jacques. « Avez-vous vu Mademoiselle Passemart ?» reprit Monsieur de Garamante. « Elle est tout à fait en beauté ce soir avec sa robe rouge. »« Je l'ai aperçue tout à l'heure. Elle faisait un tour de valse. »« Avec qui, savez-vous ?»« Non, un grand monsieur brun que je ne connais pas. »« De longues moustaches noires, sans doute. » C'est Monsieur de Morincourt, un peintre dont elle a pris des leçons d'aquarelle et qui, dit-elle, a beaucoup de talent. Vous le verrez souvent ici. Hein ? Il y eut de nouveau un silence. Le comte ajouta négligemment. Oui, il est très assidu chez les Passemart, surtout depuis quelque temps. Je m'étonne que M. Henriot ne vous ait pas parlé de lui, car puisque vous devenez le collaborateur de M. Passemard, et, dit-il avec un sourire, l'utile auxiliaire de sa récente ambition politique, votre ami aurait dû, ce me semble, vous mettre un peu au courant des choses et des gens. Je vous remercie, monsieur, d'avoir bien voulu prendre la peine de réparer cet oubli. Me remercier, inutile. J'ai pour M. Henriot de l'estime et de la sympathie. Il m'est donc fort agréable d'avoir eu l'occasion d'échanger quelques paroles avec son meilleur ami. Encouragez-le à partir, monsieur Mareuil. S'il hésitait au dernier moment pour un motif ou pour un autre, insistez, du droit de votre amitié. Croyez-moi, il a mieux à faire en Italie qu'à Paris. En prononçant ces mots, le comte avait les yeux fixés vers la porte. Henri suivit la direction de son regard et vit André qui s'avançait vers eux, appuyé sur le bras de Jacques. Elle marchait avec cette grâce alanguie que donne aux femmes, à la fin d'une nuit de bal, la fatigue de la danse. Indifférente en apparence aux murmures flatteurs qui accompagnaient chacun de ses pas, elle levait un peu la tête, d'un joli mouvement de femme amoureuse, pour regarder Jacques en lui parlant. Henri était si loin de s'attendre à ce spectacle qu'il ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil vers M. de Garamante. Celui-ci ne répondit à cette interrogation muette que par le plus ironique de ses sourires, et s'inclina profondément devant la jeune fille, qui reçut ce salut avec un peu de froideur. Sans même attendre que Jacques lui eût présenté Mareuil. « Monsieur, votre ami m'a si souvent parlé de vous qu'il me semble non pas vous voir pour la première fois, mais vous retrouver. Laissez-moi donc vous traiter comme une vieille connaissance. » Et elle lui tendit la main, ce qui ne laissa pas de troubler un peu Henri, bien qu'il se fût depuis longtemps corrigé de la timidité comme d'une faiblesse. À ce moment, un nom passa de bouche en bouche dans le groupe voisin. Toutes les têtes se tournèrent curieusement vers l'antichambre que traversait une grande femme brune, très maigre, vêtue d'une superbe robe de satin noir. En l'apercevant, André quitta le bras de Jacques, rajusta rapidement devant la glace le haut chignon de sa coiffure à l'empire et se dirigea vers la nouvelle venue en disant « Ah, Madame de Rennouville, je vous quitte, messieurs, à tout à l'heure. » Jacques la suivait dans le regard chargé d'amour quand Henri l'interrompit brusquement sa rêverie pour lui dire « Eh bien, comment vont tes affaires ce soir ?»« Mieux que je n'espérais. Elle m'a beaucoup félicité de mon prix, tout en faisant des réserves sur le mérite de mon tableau à ce qu'il m'a semblé. Dieu qu'elle est belle ce soir !»« Ne trouves-tu pas que cette coiffure grecque lui donne l'air d'une jeune Diane ?»« Oui, oui, tout à fait. Mais c'est égal, je n'aimerais pas être son mari. »« Vraiment ?» Pourquoi ? À cause d'Actéon, mon cher. Jacques fronça les sourcils et jeta un regard furieux sur Henri. Il allait sans doute lui adresser quelques mots vifs lorsque M. de Garamante se rapprocha d'eux. Monsieur Henriot, je vous reproche de retenir votre ami dans le petit salon, alors qu'il se passe dans le grand des choses fort intéressantes. Quoi donc ? Venez voir. Tenez, là, près de cette portière, nous serons à merveille. Madame de Rennouville, debout au milieu du salon, promenait sur le cercle d'hommes et de femmes qui l'entouraient l'impertinence de son regard myope en jouant négligemment avec un superbe lorgnon d'or. Madame Passemard s'empressait auprès d'elle. « Ah, Madame la Baronne, que c'est aimable à vous. Je n'osais plus espérer que notre petite fête eût l'honneur de votre visite. Je me suis laissé retenir un peu tard, en effet, chez les sauveteurs, où il y avait ce soir une réunion tout à fait selected. Cette bonne duchesse voulait absolument me garder à souper. Nous accorderez-vous au moins, Madame la Baronne, le plaisir que vous l'avez refusé ? » dit galamment Passemard. « Non, je le regrette, mais je suis attendu chez la marquise de Montecaballo. J'ai promis. »« Ah, voici votre fillette, » dit-elle en apercevant André. Elle porta son lorgnon à la hauteur des yeux et cligna les paupières en examinant la jeune fille. Puis, à demi-voix et se penchant vers Madame Passemard, très réussie cette coiffure empire, bien dans le caractère de la tête. Un bon point aussi pour la robe. Worth ou Doucet ? Doucet, n'est-ce pas ? Je m'en doutais, au style du corsage. Worth se néglige un peu. Avez-vous eu du monde ce soir ? Mais certainement. Le comte de Garamante, le vicomte de Morincourt. Il vient de publier un bien joli volume de vers. Qui encore ? Le baron et la baronne de Champrosay, M. Samuel Gannock, les Oltenheim, le comte de Sassoferrato. L'ancien hautbois du théâtre de Nice, n'est-ce pas ? Dit-elle d'une voix douce. Oui, répondit Madame Passemard avec un peu de confusion. Mais vous savez que depuis son mariage à Marseille avec la riche veuve de l'armateur Moulineau, il a obtenu du pape un titre de comte et qu'on l'accepte aujourd'hui dans le meilleur monde. Oh, je sais, je sais. Je ne suis pas fâché néanmoins d'apprendre qu'on m'avait bien renseigné sur lui. Ce monsieur ne reçoit pas, sans doute. Du moins, il ne m'a pas encore donné signe de vie. Il faudra pourtant que je m'occupe de lui un de ces jours. Vous pouvez le lui dire, puisque vous le connaissez. Madame Passemard, très penaude, voulait reprendre l'énumération. L'autre l'interrompit au premier nom. Oui, oui, je vois que vous avez autre chose, et mieux que des contes du pape. Cela fait un peu sourire, vous savez, cette noblesse de pacotille. Allons, au revoir, chère madame. En la reconduisant, Madame Passemard murmura à son oreille quelques mots que l'on n'entendit pas. Madame Rénouville lui répondit en s'enveloppant dans sa sortie de bal. Je ne puis vous le promettre. Je tâcherai. La place me manque bien. Un mot seulement, chère madame, pour ma fille. Vous avez toujours été si bonne pour nous. Madame Passemard entra dans le salon. Eh bien, vous avez vu, dit Monsieur de Garamante aux deux jeunes gens. Ah ça, quelle est cette femme ? Demanda Henri, qui avait tout observé avec le plus vif intérêt. Les cajoleries de Madame Passemard et de son mari, l'air insolent de la dame et les efforts que tous, hommes et femmes, faisaient pour être remarqués d'elle. « Cette femme, reprit le comte, peste comme vous la traitez. Sachez, jeune homme, que vous venez de voir une souveraine, et son trône est solide à celle-là, car il repose sur la forte base de la sottise humaine. Saluez Veloutine de la soirée parisienne, arbitre du goût, reine des élégances, dispensatrice des réputations mondaines. Veloutine, qui serre chaque matin la manne intellectuelle dont s'alimentent avant midi 30 000 cerveaux de femmes, grandes dames, bourgeoises, cocodettes, cocottes, grisettes et femmes de chambre. Veloutine, dont une chronique élogieuse fait pâmer de joie des duchesses et des corsetières, des ténors et des académiciens. Vraiment, c'est elle. Je ne connaissais encore que sa prose. Prose admirable, monsieur. Genre nouveau qui manquait à notre littérature contemporaine. La réclame sentimentale et le boniment lyrique. Étudiez ses chroniques. Tout y est tendre, délicat, débordant de poésie. Pas une où il ne soit question d'hirondelles, de zéphyrs, de lacs bleus, de ciel d'opale, d'infini, d'au-delà. À propos de la traîne de Madame X ou du corsage de Madame Z. L'adresse de la bonne lingère s'y glisse discrètement entre un mot de Rivarol et deux vers de Musset. C'est charmant, vous dis-je. Ajoutez que Veloutine est pleine de bons sentiments, qu'elle a de la religion, du respect pour les grandes infortunes royales ou impériales, qu'elle déplore les excès de la Révolution. Oui, le comte de Chambord a parfois l'honneur d'être patronné par elle, entre une modiste et un bottier. Je vous assure que cette femme fera époque. On ne soupçonnait pas avant elle jusqu'où pouvait aller la bêtise et la platitude d'un côté, de l'autre l'impudence. Que voulez-vous y faire ? Moi, rien. En rire, à l'occasion. Et comme tout le monde, lire chaque matin son article de Barnum idéaliste. Sous l'Ancien Régime, par exemple, si j'avais été au pouvoir, je crois que je l'aurais fait fouetter un peu en place de grève. Oh, rassurez-vous, pas très fort, tout juste assez pour l'empêcher après d'être pris au sérieux. Et sous quel prétexte ? Comme coupable du délit d'effronterie au premier chef et responsable d'une inquiétante recrudescence de la vanité et de la puérilité féminine en France. « Eh bien, monsieur de Garamante, dit André en entrant, comme vous nous traitez, poveri ne che siamo. C'est bien comme cela qu'on dit en italien, n'est-ce pas, Jacques ? Ma foi, je ne suis pas bien fort. Vous savez donc l'italien, mademoiselle ? Demanda Henri. Oh non, j'en suis bien loin encore. Mais je m'amuse à étudier un peu pour mon chant. Et puis c'est mon rêve de lire Leopardi dans le texte. Il faudra même, Jacques, que pour me faire faire des progrès, vous m'écriviez de là-bas en italien. J'essaierai de vous répondre. De grand cœur, je vous assure. Quelle magnifique langue, n'est-ce pas ? Oui, mais, dit-elle en minaudant un peu, je ne lui pardonne pas d'avoir fait fleur du masculin. Messieurs, le souper est servi. Monsieur de Garmante veut-il m'offrir son bras ? Nous allons, si vous voulez, aller du côté des jeunes. Oh, ne protestez pas, monsieur le comte, les célibataires sont toujours jeunes. Non, pas par là. Ce sont les hommes politiques et mon père qui continuent à réformer la Constitution. Il paraît qu'elle en a grand besoin, car ces messieurs ont commencé à 10 heures et voici que 2 heures sonnent. Tenez, j'aperçois mon frère avec ses amis là-bas au fond du petit salon. Nous serons seuls. Allons le rejoindre. Monsieur Mareuil, je vous présente mon frère Maxime. Et maintenant, asseyons-nous. Ils prirent place tous quatre à une de ces petites tables qui permettent aux soupeurs de s'isoler et de former des groupes sympathiques. Ingénieuse innovation à laquelle le flirt n'a rien perdu et qui remplace au grand profit de la gaieté la solennité un peu froide de la table unique d'autrefois. Les jeunes filles apprécient fort cet usage qui leur permet de prendre, sous l'œil maternel, une sorte d'avant-goût du cabinet particulier, et s'émerveillent de voir comme cette seule pensée moustille toutes ces demoiselles. « Petit frère, pourquoi ne t'a-t-on pas vu ce soir au salon ?» interpella André. Petit frère tourna vers sa sœur un visage charnu, rose, absolument imberbe, et qui semblait, comme celui de quelques jeunes Anglais, modelé dans un rose bif. Avant de répondre, il commença par rire lourdement et d'une voix pâteuse, il dit enfin « J'étais vanné. Alors j'ai taillé un petit bac dans ma chambre avec Loulou et Panonceau. Ils sont donc venus ce soir ?»« C'est égal, tu as eu tort de ne pas descendre. Monsieur de Morincourt avait amené sa sœur. »« Ah oui, un mariage, n'est-ce pas ?»« Je t'ai déjà dit que je n'étais pas encore sur mes boulets. » »« Il est charmant ce jeune homme, » murmura Henri à l'oreille de Jacques. Le souper terminé, M. de Garamante se retira, après avoir serré très cordialement la main de Jacques. « Bon voyage, M. Henriot. Tous mes vœux vous accompagnent. Rapportez-nous de là-bas quelques belles œuvres. Croyez-en un vieux philosophe. Le travail est encore ce qu'il y a de meilleur en ce monde. Lui seul ne trompe pas. Lui seul rend ce qu'on lui donne. Lui seul, par conséquent, vaut la peine qu'on l'aime passionnément. Au revoir. » Maxime et ses amis avaient quitté le petit salon. Henri passa négligemment dans le grand. Jacques et André demeurèrent seuls. On entendait sous la voûte le roulement sourd des voitures qui emmenaient les derniers invités de M. Passemard. Les deux jeunes gens restèrent un moment silencieux. « Ainsi, vous partez ?» dit André. « Oui. »« Quand ?»« Le plus tôt possible. Demain. »« Pourquoi ?»« Vous le savez. »« Si je le sais, redites-le-moi. »« À quoi bon ?»« Parlez, je le veux. » « Je pars pour échapper au supplice de la vie d'incertitude à laquelle vous me condamnez depuis si longtemps. Je suis là. Je veux tenter l'épreuve de l'absence. Et voir si d'aventure elle aurait cette vertu miraculeuse de mettre l'amour dans votre cœur ou l'oubli dans le mien. Vous ne m'aimez plus. Et vous, m'aimez-vous enfin ? Vous savez bien qu'une femme répugne à faire de ses aveux. Elle prouve qu'elle aime, elle ne le dit pas. » Debout près de la chaise sur laquelle Jacques était assis, elle approcha d'un mouvement très lent et très doux sa main des lèvres de son ami. Celui-ci détournait la tête avec une sorte d'effroi, lorsqu'un arôme subtil dont le corps même de la jeune fille semblait imprégné, et que Jacques connaissait depuis des années, monta tout à coup à ses narines. Alors il se jeta avidement sur la main qu'elle lui tendait toujours et la couvrit de baisers. Il n'avait plus peur maintenant. Il ne luttait plus contre la dangereuse ivresse. La jeunesse et la passion flamboyaient dans ses yeux. Elle chercha faiblement à se dégager, ravie et troublée, car elle ne l'avait jamais vu si beau. « Jacques, » dit-elle, un peu pâle. Il abandonna aussitôt sa main et s'écarta d'un pas. Alors un sourire, indéfinissable comme celui de la Joconde, releva l'angle moqueur des lèvres de la jeune fille. « Vous êtes fou, je crois, » dit-elle de l'air le plus tranquille du monde. « Oui, André, et c'est pourquoi je pars. Je vais chercher là-bas la paix qui me manque ici. » Je tâcherai de rapporter assez de réputation pour arriver à votre cœur par le chemin de la vanité qui seul y conduit. » Il fit quelques pas pour sortir et se retournant. « Ainsi, vous me laissez partir sans un mot, sans une espérance. »« Ami, » dit-elle, « pour mériter Rachel, Jacob, service 7 ans. » Et il disparut. Après lui avoir adressé de la main un signe qui pouvait être un geste d'adieu ou un baiser. Le lendemain soir, vers 8 heures, Jacques et Henri se promenaient sur le quai de la gare de Lyon en attendant le train d'Italie. « Ainsi, disait Jacques, c'est bien entendu. Parle-lui de moi, mais surtout parle-moi d'elle. Tu me tiendras au courant de tout, n'est-ce pas? S'il est de nouveau question de quelque mariage, si M. de Morincourt ou tout autre devient menaçant, ne crains pas de me prévenir. » « Alors, » interrompit Henri, Ce que tu m'as dit cette nuit en rentrant est bien vrai. Tu as eu une explication avec elle et tu n'en es pas plus avancé. Et moi qui croyais quand j'ai quitté le petit salon. Ah, c'est trop fort. Mais elle se moque de toi, mon cher, et de la plus indigne façon. Henri, ne sois pas si sévère pour André. C'est un caractère très complexe, difficile à définir. Il y en elle une part de sincérité. Tiens, je suis sûr maintenant qu'elle m'a aimé hier, pendant que je la promenais dans le bal et après le souper, dans le petit salon. Oui, j'en suis sûr, te dis-je. Et comment te l'a-t-elle prouvé? Quel gage t'a-t-elle donné? Non, je ne crois pas à cet amour intermittent. Mon pauvre ami, tu es entre les mains d'une coquette d'espèce rare et dangereuse. Donne-moi le temps de l'étudier encore un peu, et je m'engage à mettre ses artifices si bien à découvert que le charme qui t'enchaîne à elle en sera rompu pour jamais. J'ai commencé mon enquête hier, et j'ai déjà la déposition d'un galant homme qui paraît s'intéresser fort à toi, monsieur de Garamante. Je te promets un joli dossier dans quelque temps, tu verras. Pendant que tu seras là-bas, je soumettrai ta bien-aimée à une analyse méthodique et persévérante. Soit. Fais de la psychologie tant que tu voudras. Seulement, Henri, n'oublie pas que tu es mon avocat auprès d'elle, et que j'ai confié à ton amitié mes plus chers intérêts. Ah ça, de quel ton me dis-tu cela? Qu'as-tu donc? Rien. Une idée qui me passait par la tête, une idée absurde. Tu vas me le dire. Mille fois non, j'en rougis déjà. Ah, voici le train. Allons, mon ami, il faut nous séparer. Plaide bien ma cause, Henri. Il me semble que je laisse ma destinée tout entière entre tes mains. Ils s'étreignirent dans une longue et muette accolade, puis Jacques sauta dans son wagon, un coup de sifflet retentit, le train se mit en marche et Henri resta seul, pensif. Une idée absurde, a-t-il dit. Laquelle? Murmurait-il à mi-voix, tout à coup haussant les épaules. Grand jaloux, va, dit-il avec un sourire.